بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui inshallah ta'ala le 22e cours. Dans l'explication, dans l'exégèse du livre d'Allah. Et nous sommes aujourd'hui dans le deuxième cours pour l'explication de Surat Al-Mutaffifin. وَقَدْ وَصَلْنَا إِلَىٰ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ. Nous sommes certes arrivés à la parole d'Allah le Très-Haut lorsqu'il dit « Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin » En réalité, le livre des pervers est dans sijjin, qu'on va expliquer plus tard, inshallah ta'ala. « Wa ma adraka ma sijjin » Et qui te fera savoir ce qu'est sijjin ?« Kitabun marqum » Un livre cacheté ou parachevé. Kalimat kalla qad ta'ti li ma'anin mukhtalifa hasba siyaq al jumla. Le mot kalla, il peut venir avec plusieurs sens. Le mot kalla a plusieurs sens et donc le sens va être défini en fonction de la tournure de la phrase. فقال العلامة ابن العثيمين رحمه الله إنها قد تأتي بمعنى حقا. Le Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله, il dit que le mot kalla peut signifier حقا, ce qu'on peut traduire par en réalité. Voilà pourquoi j'ai dit kalla inna kitab al-fujjar. En réalité, le livre des pervers est dans Sijjin. وقد يراد بها الزجر أي أن الله تكلم عن المطففين الذين يطلبون حقهم كاملا ويفرطون في حقوق الآخرين ثم قال كلا أي زجرا لهم ولمن كان على شاكلتهم. Mais le mot كلا peut aussi venir dans le sens sous une forme de blâme, en fait, pour blâmer. C'est-à-dire que ici, Allah Azza wa Jal, il a parlé des mutaffifoun, qu'on a expliqué hier. Ceux qui demandent pleinement leurs droits, et qui sont négligents concernant les droits des autres. Ensuite, Allah qui dit, kalla, donc pour les blâmer. Pour les blâmer concernant ce qu'ils font. Et ensuite, inna kitab al-fujjar ila fi sijjin. Certes, le livre des pervers est dans sijjin. Et donc, pour les blâmer, ainsi que tous ceux qui font comme eux. Wa sijjin min as-sijn. Wa huwa al-mahal ad-dayyiq. Le mot sijjin, il vient du mot en arabe as-sijn, qui est donc utilisé aujourd'hui pour dire la prison ou le lieu restreint. Donc al-mahal ad-dayyiq, le cheikh nous dit donc al-mahal ad-dayyiq qui va être donc le lieu restreint, délimité et serré. Voilà ce qui est voulu par sijjin. Wa hadha al-makan ad-dayyiq huwa an-nar. Et ce lieu qui est restreint, en fait, c'est l'enfer, le feu. C'est pour ça que Allah, le Très-Haut, il dit dans un autre verset, dans une autre sourate, il nous dit وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا. Et lorsqu'ils y seront jetés, dans un lieu restreint, ce qui est voulu ici, c'est l'enfer. Lorsqu'ils y seront jetés dans un lieu restreint, les mains liées au cou. les mains liées au cou. Ils souhaiteront alors la mort. Ils souhaiteront alors la mort. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est donc l'enfer. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit « Wa ma adraka ma sijjin ?» Qui te fera savoir ce qu'est sijjin ?« Wa hadha ta'ziman li sha'ni sijjin ?» Et ça, cela est pour valoriser et pour mettre en évidence sijjin, le rang de sijjin. Qu'est-ce que sijjin ? Kitabun marqum, un livre cacheté. Wa hadha bayan li qawlillahi ta'ala inna kitab al-fujjar la fi sijjin. Ay anna hadha al-kitab kitabun marqum wa laysat hadhihi al-aya jawaban lis-su'al wa ma adraka ma sijjin. Et donc ce verset est un éclaircissement concernant la parole d'Allah le Très-Haut, lorsqu'il dit, certes, lorsqu'il dit « Inna kitab al-fujjar ila fi sijjin », certes, le livre des pervers est dans sijjin. C'est-à-dire, donc, que ce livre, il est, le livre des pervers, donc il est cacheté. Et ce verset-là n'est pas une réponse à la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit « Wa ma adraka ma sijjin ?» Qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est sijjin ? Les gens, lorsqu'ils lisent ce passage, ils peuvent penser que c'est une réponse. Qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est sijjin ? Un livre cacheté. Non. Un livre cacheté, ça c'est un éclaircissement concernant le verset qui précède. Certes, le livre des pervers est dans sijjin. Et ce livre-là, il est cacheté. Mais sijjin, on vous a expliqué, donc sijjin, ce qui est voulu par là, c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est là qu'ils iront. C'est là qu'ils iront. Qu'Allah nous préserve. Wa qawluhu kitabun marqum. Et donc la parole d'Allah lorsqu'il dit kitabun marqum, un livre cacheté. Ay maktubun. La yuzadu fihi wa la yunqas wa la yubaddal, c'est-à-dire un livre écrit, on ne va rien y rajouter, rien y enlever et on ne va rien changer. C'est fini. Fa a'maluhumul khabitha madhkuratun fi hadha al-kitab. Et donc leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres sont citées dans ce livre. Alors Allah Ta'ala qui dit وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Garde, en ce jour-là, malheur à ceux qui démentent. Malheur à ceux qui démentent. Garde à ceux qui démentent. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ. Ceux qui démentent le jour de la, rétribution. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Ne dément concernant celui-ci que les transgresseurs, grands pécheurs. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Lorsque nos versets lui sont récités, il dit: ce ne sont que des contes d'anciens. وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Garde ce jour-là à ceux qui démentent. ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى مَا الْمُرَادُ بِالْمُكَذِّبِينَ. Ensuite, Allah Ta'ala, il explique ce qui est voulu par cela, الْمُكَذِّبُونَ, ceux qui démentent. Qu'est-ce qu'ils ont démenti ? الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ. Ceux qui ont démenti au jour de la rétribution. Et donc ils ont démenti le fait qu'ils seront certes jugés et rétribués en fonction de leurs actions. Et seuls les transgresseurs et grands pécheurs démentent concernant celui-ci. فَهُوَ مُعْتَدٍ فِي أَكْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ. Et donc c'est un transgresseur dans ses actes et dans ses paroles. وَاقِعٌ فِي مَا حَارِمِ اللَّهِ. Il est donc pleinement tombé dans les péchés, dans la désobéissance à Allah. أَثِيمٌ أَيْ كَثِيرُ الْإِثْمِ. أَثِيم, ce que j'ai traduit par grand pécheur, ce qui est voulu par le mot athim, c'est quelqu'un qui a beaucoup de péchés. فهذا الوصف الملتصق به يحمله على التكذيب بيوم الدين. Et donc cette caractéristique qui est accrochée à lui, donc le fait d'être un grand pécheur, d'avoir beaucoup de péchés, d'être transgresseur, cette caractéristique qui est en lui va le pousser à démentir concernant le jour de la rétribution. فآثامه تحمله على رد الحق والعناد إن جاءه الحق بدليله. Et donc ses péchés vont le pousser à rejeter la vérité et à s'entêter concernant celle-ci si la vérité lui vient avec des preuves. Et c'est pour cela que Allah, le Très-Haut, il dit: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ. Lorsque nos versets lui sont récités, il dit que ce ne sont que des contes d'anciens. كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ أَصْدَقُ الْحَدِيثِ يَقُولُ إِنَّهُ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ. La parole d'Allah, qui est la parole la plus véridique, cette personne va dire que ce ne sont que des contes d'anciens. Aïe, qisasul mutaqaddimin allati la haqiqata laha. C'est-à-dire les contes des anciens qui en réalité ne sont pas concrètes, qui ne sont pas concrets, des histoires qui ne sont pas concrètes. Fa'anad al-haqq wa takabbar. Alors cette personne va rejeter la vérité en tout entêtement et orgueil. Alors Allah le Très-Haut, il dit: Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, mais leurs cœurs sont couverts. Leurs cœurs ont été couverts de ce qu'ils ont agi, de ce qu'ils ont fait. Kallabal. Ici, la parole kellebel, aïe, leysat asatir al-awwalin. C'est-à-dire que la parole d'Allah, ce ne sont pas des contes d'anciens. Walakin ha'ula rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Ce ne sont pas des contes d'anciens, mais ces gens-là qui démentent concernant la rétribution, leurs cœurs sont couverts des agissements qu'ils ont eus. Aïe, a'maluhum as-sayyi'ah. التي قاموا بها اجتمعت على قلوبهم وحجبتها عن الحق. C'est-à-dire les mauvaises actions qu'ils ont accomplies se sont rassemblées sur leur cœur et les privent de la vérité. فلا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا. Et donc ils ne vont pas voir la vérité comme elle est. Ils ne vont pas voir le faux comme il est. وَهَذِهِ عُقُوبَةُ الذُّنُوبِ. Et ceci est la sanction des péchés. فَكِثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ ذُنُوبَهُمْ لَا تُؤَثِّرُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَوْ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِمْ وَهَذَا خَطَأ. Beaucoup de personnes pensent que leurs péchés qu'ils accomplissent n'ont pas un impact sur eux. Et ceci est faux. Allah Ta'ala qui dit: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Il y a une maladie dans leur cœur. Alors Allah a augmenté la maladie. أي في قلوبهم مرض الكفر والنفاق والفجور والبدع. C'est-à-dire qu'il y a dans leur cœur la maladie de la mécréance, de l'hypocrisie, de la perversion et de l'innovation. فعقوبة المعصية هي المعصية التي تليها. Et donc la sanction du péché, c'est le péché qui va suivre celui-ci. La sanction du péché est le péché qui va suivre le premier péché qui a été accompli. Ja'a fi jami' at-Tirmidhi min hadith Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna al-'abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإذا عاد زيد فيها حتى تعلق قلبه أو حتى تعلق قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الترمذي لا cité dans son جامع selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le serviteur, lorsqu'il accomplit un péché, alors son cœur sera taché, sera souillé d'une tache noire. Et si alors il délaisse ce péché, implore le pardon et se repent, son cœur sera purifié. Mais s'il revient, alors il sera, cette tâche sera agrandie, il sera rajouté alors à cette tâche, jusqu'à ce que celle-ci soit collée à son cœur. Cette tache noire. Et cette tache, c'est Ar-Ran. Cette tache-là, c'est la couverture. Ar-Ran, la couverture que Allah a citée dans sa parole lorsqu'il dit: Kallabel, Rane ala kulubihim meken ou yaksibun. Mais non, ce qu'ils ont agi, ce qu'ils ont accompli, ont couvert leur cœur. Hassanahu al-Albani rahimahullah. Et ce hadith a été donc jugé hassan, correct, par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Fahadihi al-dhunub allati yakoumu biha al-abd kod tahullu baynahu wa bayna qabouli al-haq. Et donc ces péchés que le serviteur va accomplir peuvent l'empêcher d'accepter la vérité. Voilà, yafhamul adilla, il ne comprendra pas les preuves. Il ne comprendra pas les preuves. Tu peux lui sortir toutes les preuves que tu veux, il ne comprend plus. Car son cœur est couvert par les péchés. Lidhalika qala, c'est pour cela que Allah Ta'ala il dit: In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Aïe, in tuti'ullah, fatakumuna bima awjaba alaykum wa tatrukuna ma nahakum anhu yaj'al lakum furqana. Aïe, yu'tikum ma tumayyizuna bihi bayna al-haqq wal-batil. C'est-à-dire, si vous obéissez à Allah, et donc que vous accomplissez ce qu'il vous a rendu obligatoire, et que vous délaissez ce qu'il vous a interdit, il vous accordera le discernement, c'est-à-dire il vous donnera le moyen de distinguer entre le vrai et le faux. Fahdharu min adh-dhunub. Alors méfiez-vous des péchés. Wahdharu ar-ran. Et méfiez-vous de ce qui couvre le cœur, de cette couverture qui vient couvrir le cœur et qui empêche à la personne d'accepter la vérité. On arrête là pour ce soir, inshallah ta'ala, et on reprend bi'idhnillahi ta'ala la semaine prochaine dans l'exégèse de la parole d'Allah le Très-Haut. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.